Quand Renaud de guerre vint, tenant ses tripes dans ses mains, sa mère était sur le créneau, qui vit venir son fils Renaud. Renaud, Renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi. Ni de la femme, ni du fils, je ne saurais me réjouir. Je sens la mort qui me transit. Mère, faites dresser un lit, mais faites-le dresser si bas que ma femme n'entende pas. Guerre de temps y demeurerait, à la minuit trépasserait. Et quand se vint vers la minuit, le roi Renaud rendit l'esprit. Dites-moi, ma mère, mamie, que pleurent nos valets ainsi? Ma fille, en baignant nos chevaux, ont laissé noyer le plus beau. Dites-moi, ma mère, mamie, pour un cheval pleurer ainsi, quand le roi Renaud reviendra, plus beaux chevaux amènera. Dites-moi, ma mère, mamie, qu'est-ce que j'entends cogner ainsi? Ma fille, ce sont les charpentiers qui raccommodent le plancher. Dites-moi, ma mère, mamie, quel habit prendrai-je aujourd'hui? Prenez le vert, prenez le gris, prenez le noir pour mieux choisir. Dites-moi, ma mère, mamie, ce que ce noir-là signifie. Femme qui relève d'enfant, le noir lui est bien plus séant. Quand elle fut dans l'église entrée, le cierge en lui a présenté, aperçut en s'agenouillant la terre fraîche sous son banc. Dites-moi, ma mère, mamie, pourquoi la terre est rafraîchie? Ma fille, ne vous le puis cacher, Renaud est mort et enterré. Renaud, Renaud, mon réconfort, te voilà donc au rang des morts. Renaud, Renaud, mon réconfort, te voilà donc au rang des morts. Ma mère, dit au fossoyeur qu'il fasse la tombe pour deux, et que l'espace y soit si grand que l'on y mette aussi l'enfant. Terre, ouvre-toi, terre, ouvre-toi, que j'aille avec Renaud, mon roi. Terre s'ouvrit, terre fendit, et